temple de l'amour, où l'on se marie chaque jour, je n'y vais jamais. Temple de la guerre, où se préparent les militaires, je n'irai jamais. Jamais. Je suis Dieu, dans mon église, je suis roi dans mon lit. Tu es femme sous ta chemise, tu es vierge de mes nuits. Je n'y vais jamais. Jamais. Au temple du malheur, à genoux devant le Seigneur, je n'irai jamais. Oh, jamais. Je suis Dieu dans mon église. Je suis roi dans mon lit. Et tu es femme sous ta chemise. Tu es vierge de mes lits. Jamais.